Qui sont les marbriers du roi ? Les marbriers n'ont jamais constitué une corporation à part entière, mais ont toujours dépendu de celle des maîtres peintres et sculpteurs, malgré une éphémère indépendance d'octobre 1609 à novembre 1610. Ainsi, ils ont toujours constitué, je cite, « une espèce d'association sans jurés et sans les autres privilèges des maîtres érigés en corps de jurande », phénomène pour le moins inattendu dans l'histoire des métiers. L'étude des marbriers du roi démontre que, sauf exception, ils n'ont jamais réalisé ou vendu d'ouvrages de sculpture. Le marbrier n'exécute que les ornements et lorsqu'un travail de sculpture est exigé, il est réalisé par des maîtres sculpteurs. C'est le cas en 1747, par exemple, pour les figures de Zéphyr et de Flore de la cheminée de la chambre du dauphin, qui sont des œuvres d'Antoine Vassé et Jacques Caffieri. Je ne détaillerai aucune des diapos que je vous montre, le temps imparti étant relativement limité, c'est à titre d'exemple. Le terme de marbrier, et plus encore le mot de marbre, sont généralement associés à l'Italie. L'étude des marbriers au XVIIe et XVIIIe siècle met à mal ce qui pourrait être considéré comme une idée reçue totalement infondée. Il n'y a aucun Italien parmi les marbriers travaillant pour le roi, quelques marbres transalpins, mais surtout pour la statuaire et avec des efforts répétés pour s'en passer, comme en témoigne la correspondance du duc d'Antin avec le marbrier Tarlet, et c'est un sujet qui a été évoqué au cours de diverses communications lors de ce présent colloque. Je cite une lettre de Dantin à Tarlet, auquel il écrit en 1712 « J'espère même qu'à l'avenir, nous nous passerons d'une partie de ceux d'Italie ». Nous abordons là ce que Madame Bresque-Bottier appelle à juste titre « la politique royale du marbre français ». Si cela est vrai pour la matière, pour laquelle on constate donc une précédence française ou flamande, cela se vérifie aussi pour les hommes. Aucun Italien, mais plusieurs artisans venus des Flandres, comme Jérôme d'Herbé, originaire de Nivelles, Jean Matteau, natif du comté de Namur, ou encore d'Allemagne, comme Pierre Liski. Les autres grands noms de la marbrerie, Claude-Félix Tarlet pardon, et Louis Trouard, sont français. Le titre de marbrier du roi ou de marbrier des bâtiments du roi était normalement accordé par brevet royal. Il semble que le brevet conférait tout d'abord des gages, ensuite la possibilité de se fournir dans les magasins royaux, enfin la préférence pour les chantiers, bien qu'il y ait toujours appel d'offres, pour utiliser un terme contemporain. Les lacunes documentaires conduisent cependant à la prudence, et mes recherches aboutissent à bien des contradictions. D'après les archives, en effet, seuls trois marbriers étaient brevetés. Pierre Ménard, en 1645, Hubert Misson, en 1660, et Louis Trouard, en 1741. Or, les comptes des bâtiments laissent penser que d'autres marbriers l'étaient puisqu'ils sont couchés dans l'état des gages. Mathieu Misson, Jean, François et Antoine Cuvillier, François Deschamps, Pierre Liski et Claude-Félix Tarlet. Le cas de Tarlet est le plus étonnant. Il reçoit des gages, il travaille dans toutes les maisons royales. Louis Trouard précisera même qu'il en était le seul marbrier. Il est attaché au service du roi par des charges comme celle du contrôle des marbres. Mais aucun brevet à son nom ne subsiste, ni dans la maison du roi, dans les papiers de la maison du roi, ni dans ceux inventoriés après sa mort. Donc je passe sur ces points qui sont extrêmement délicats. Le cas des brevets est vraiment, pour le domaine des archives, assez inextricable. Les marbriers du roi reçoivent des gages. Ces gages sont de 50 livres en 1645, puis de 30 livres pour une période allant de 1670 à 1717. En 1718, pour des raisons prétendument économiques, les gages sont remplacés par l'exemption des gens de guerre. Si nous acceptons l'hypothèse que tous les marbriers couchés dans l'état des bâtiments sont brevetés, de 1661 à 1717, donc suppression des gages, nous avons 9 marbriers du roi. Pierre Ménard, Mathieu et Hubert Misson, Jean et François Cuvillier, François Deschamps, Claude-Félix Tarlet, Antoine Cuvillier, puis Pierre Liski, chronologiquement. Or, nous n'avons que 2 brevets, celui de Trouard est postérieur, il est 1741, donc il ne concerne pas cette étude sur les gages. Nous n'avons que 2 brevets et le paiement des gages ne concorde pas avec les dates auxquelles ils furent établis. En effet, Pierre Ménard, breveté en 1645, n'apparaît dans les comptes qu'à partir de 1670, et Hubert Misson, breveté en 1660, n'est couché dans l'état des bâtiments qu'à partir de 1673. Il faut cependant préciser que ces petits gages sont augmentés par ceux correspondant à des charges plus rémunératrices, comme celle du contrôle des marbres, qui donne 1500 livres par an, chargé de l'entretien des marbres de Versailles et de Trianon, 2500 livres, ou chargé de l'entretien de Marly, 1500 livres par an. À cela s'ajoutent des gratifications pour voyages, visites aux carrières, comme ceux entrepris, Madame Bresque en a parlé, par Nicolas Ménard de 1666 à 1669, ou par Tarlet en Languedoc et Pyrénées. Ce point a également été évoqué largement dans les communications précédentes. S'ajoute également une pension donnée par Tarlet à partir de 1717 et qui s'élève à 400 livres. Et enfin et surtout, les ouvrages qui permettent aux marbriers de constituer des fortunes parfois considérables. Les marbriers travaillant pour la couronne, je le disais en introduction, s'intitulent indifféremment marbrier du roi, marbrier ordinaire du roi ou marbrier des bâtiments du roi, lorsque le terme de marbrier n'est pas remplacé par celui de sculpteur. Les deux premières dénominations laissent supposer qu'ils dépendaient de l'Académie, suivant l'arrêt du Conseil d'État du 8 février 1663, peu respecté, il est vrai. Comme souvent sous l'Ancien Régime, ces appellations sont erronées lorsqu'elles ne sont pas abusives. Monsieur Schnapper précise ainsi qu'il connaît, je cite, « environ 100 peintres non-académiciens à qui l'on donnait le titre de peintre ou de peintre ordinaire du roi entre 1663 et 1715. Dans le cas des marbriers, aucun ne fit partie de la célèbre académie. Il dépendait, bien entendu, des bâtiments du roi. Et le titre de marbrier du roi ou marbrier ordinaire du roi semble pour eux plus incomplet qu'abusif. C'est en tout cas ce que laisse supposer l'enregistrement des gages, pour incomplet qu'il soit. La nature des travaux, bien entendu, la création au cours du XVIIIe d'un département des marbres, et également l'absence de tout marbrier dans les listes de l'Académie. C'est cependant une assertion que je n'avancerai qu'avec une certaine réserve. En effet, ni Pierre Ménard, ni Louis Trouard, tous deux brevetés, n'apparaissent dans les listes de la maîtrise, et à la fin du XVIIIe, Jean Tarlet, fils de Claude-Félix Tarlet, marbrier et contrôleur des marbres du roi à la suite de son père, fut élève de l'Académie et il touchait même une pension annuelle de 264 livres, ce qui correspond peut-être à la petite pension de Louvois que l'on pensait éteinte à la fin du XVIIe. La politique royale élaborée par les surintendants, et notamment le duc d'Antin, je parle surtout pour le XVIIIe, Madame Bresque a beaucoup parlé hier du XVIIe, qui est une situation un petit peu plus complexe, mais donc cette politique élaborée par les surintendants a entraîné une nouvelle administration pour les marbres, créant ainsi un véritable département des marbres, entre guillemets. Au risque de simplifier mon propos, nous pouvons dire que ce département, placé sous la tutelle du surintendant, bien entendu, avait à sa tête, ou en tout cas un de ses postes clés, un contrôle des marbres, assuré par Claude-Félix Tarlet, donc marbrier extrêmement important, jusqu'en 1730, puis son fils Jean, jusqu'en 1752, enfin Chabert, Darcy et Soufflot. Le contrôleur des marbres était chargé de veiller à l'approvisionnement, au choix des marbres, de la carrière au magasin, et contrôlait ainsi toute la fourniture et participait activement à la politique marbrière. À cela s'ajoutaient des offices provinciaux, comme le contrôle général des marbres des Pyrénées et du Languedoc, occupé par la famille Lassus, dont nous avons déjà entendu parler lors de ce colloque, avec bien entendu ce rapport, ce mémoire sur les marbres très important de 1758, et également dans certaines grandes villes, des commissions à l'inspection des marbres, Garavac ou Caravac, dont nous avons aussi entendu parler donc à Marseille, Roc à Toulouse, Martin à Cône, Aziron, Chaumette et Treille à Bordeaux, etc. L'organigramme du département des marbres comprenait également une branche parisienne, avec un poste clé qui est celui du directeur des marbres du roi, Beaufort, père puis fils, les portiers des magasins Et il faut ajouter, Madame Resc en a également parlé, une foule de particuliers qui, sans avoir de rôle véritablement officiel au sein des bâtiments, travaillent de manière quasi exclusive pour la fourniture des marbres. Ce sont bien entendu les banquiers, mais également les portiers, les négociants, les voituriers par air, par taux, par eau, etc. Nulle place n'est cédée au hasard dans le choix des hommes qui participent à la politique marbrière du roi. Tarlé est l'homme du duc d'Antin, véritablement. Je parle trop fort. Tarlé est l'homme du duc d'Antin, qui le considère d'ailleurs comme un fort bon sujet et que j'aime bien, et lui laisse le soin de placer au poste délicat des hommes de confiance, comme l'un de ses compagnons, Cordier, donc nous avons également déjà entendu, qu'il place à la direction des carrières de Sarrancolin, Campan et Cercade. Dans cet organigramme, on constate une nette montée en puissance de l'influence des marbriers, même si les sculpteurs et la brillante communication de Mesdames Sartre et Boudon l'a montré, sont encore consultés, notamment pour la recherche de statuaire. Ce soin apporté au choix des hommes et au fonctionnement se double d'un budget considérable. Les comptes enregistrent entre 1661 et 1745 une dépense totale de 13 303 000 livres. J'arrondis et je vous fais grâce des sols et des deniers. Un marbrier comme Claude-Félix Tarlé est cité entre 1691 et 1735 pour 1 116 000 livres. Et sans faire un exposé comptable des dépenses marbrières, ce qui serait fastidieux, il faut ajouter que ces sommes élevées restent approximatives puisque les comptes sont parfois incomplets, voire contradictoires. À titre d'exemple, on dispose entre 1668 et 1683 de 2 états de dépenses pour achat de marbre qui diffèrent de 758 000 livres. Oh, beaucoup de prudence. Le marbre a pesé lourd dans la balance des dépenses de la maison du roi. Cela était aussi le prix à payer pour la politique royale du marbre français et pour l'exigence de qualité que les Colbert, Louvois, Dantin et autres ont mené avec diligence. Je passe maintenant aux réalisations. Certaines d'entre elles seront reprises, je pense, dans un exposé beaucoup plus architectural et technique par Monsieur Didier. Je n'aborderai, quant à moi, que l'aspect artistique et, bien entendu, marbrier. De toutes les réalisations marbrières, l'appartement des bains est sans doute la réalisation la plus ambitieuse. Les rares vestiges qui subsistent, les dessins et les descriptions laissent deviner toute la beauté d'un appartement où le marbre était roi. Aménagé entre 1671 et 1680, détruit en janvier 1750, après maint remaniement, il comprenait 5 pièces principales. Le vestibule dorique, la pièce ionique ou salle de Diane, le salon octogone, le cabinet des mois, la chambre et le cabinet. Félibien en a livré une description détaillée, particulièrement intéressante pour une remarque restée célèbre et qui laisse supposer que le choix des marbres répondait à un souci esthétique et symbolique. Je cite « L'on a observé d'employer les marbres qui sont les plus rares et les plus précieux dans les lieux les plus proches de la personne du roi, de sorte qu'à mesure qu'on passe d'une chambre dans une autre, on n'y voit plus de richesse, soit dans les marbres, soit dans la sculpture, soit dans les peintures qui embellissent les plafonds. » Les diverses descriptions laissent penser que les affirmations de Félibien n'étaient pas sans fondement. Le vestibule était décoré de 8 colonnes doriques en marbre de Reims et de Dinan pour le fût et petites brèches pour les chapiteaux. Ces colonnes sont aujourd'hui comprises dans les cloisons de l'appartement de mesdames. Là, c'est un état avant le cloisonnement, donc elles sont aujourd'hui quasiment inaccessibles. Alors que dans la pièce ionique, le décor marbrier était en marbre dit de Charlemont, mais avec bien des imprécisions, pour les 4 colonnes d'angle et de brèche violette des Pyrénées pour les 8 autres. Il y a donc une progression chromatique. Ici, vous avez un dessin pour la pièce ionique. Plus lentement, je vais essayer. Il y a donc, pardonnez-moi, une progression chromatique entre ces deux pièces, notamment entre le marbre de Reims et la brèche violette, qui est plus chatoyante et lumineuse et qui s'accordait parfaitement avec le mobilier de brocart d'or et d'argent de la pièce. Le salon octogone, surtout célèbre pour ses sculptures dont les modèles avaient été donnés par Lebrun, était dans des tons feu, or et blanc, avec des chambranles, bandeaux de portes et croisées en marbre de Languedoc, des plus belles sortes que le chaud Languedoc produit dans son pays, précise Molicard. La chambre, quant à elle, avait reçu un décor associant le marbre Isabelle ou Bragiodette. Là, il y a un véritable problème, les textes différents énormément. Le bronze doré, ciselé par les meilleurs artisans, comme Caffieri ou Cucci, et un des plus riches brocarts fabriqués pour Louis XIV. Même association du marbre et du bronze, dans le cabinet qui recevait deux petites baignoires et disposait au centre une cuve octogonale monolithe en marbre de Rance, aujourd'hui conservée à l'orangerie, après maintes péripéties. Les ornements de bronze de la cuve avaient été réalisés par Domenico Cucci. Toutes les pièces avaient reçu un dallage de marbre qui gagnait en richesse au fur et à mesure que l'on progressait dans l'appartement. En effet, blanc et noir dans le vestibule, extrêmement simple, il était constitué de compartiments ronds et rectangulaires alternés, encadrant un motif à quatre écoinçons dans la chambre. Je n'ai pas le temps de détailler, enfin, vous pouvez voir la progression sur le dessin qui vous est présenté. Enfin, dans le cabinet, il y avait des panneaux de marqueterie de marbre de couleur à décor allégorique. Pour l'appartement des bains, les ouvrages de marbre montent à près de 110 000 livres, dont 15 000 pour la grande cuve du cabinet, livrée par les marbriers Hubert Misson, Jean Legru et Jérôme Derbé, qui sont les trois grands protagonistes de l'appartement des bains. Hormis pour la chambre, qui fut confiée à un certain Anuche, marbrier originaire de Laval, en Mayenne, qui était venu en 1671 à la demande du roi à Versailles, et il est vraisemblable que le nom de Anuche devient Anneuse au XVIIIe, c'est une dynastie particulièrement active à Paris. Les vies de Jérôme Derbé, Jean Legru et Hubert Misson sont mieux connues, les trois marbriers sont très souvent associés, et sont surtout Derbé et Misson qui collaborent à de très nombreuses reprises, et livrent, grâce à une association avec les marchands marbriers Deschamps, l'essentiel du marbre de Rance. J'y reviendrai par la suite. Jérôme Derbé est un personnage très intéressant. Il est marié à la fille du sculpteur Gilles Guérin et il a eu une activité assez complexe et qui reste ambiguë dans ses liens avec la sculpture puisque l'on connaît de lui deux bustes. Ses travaux les plus prestigieux dans le domaine marbrier sont l'appartement des bains, les pavés de l'église des Invalides et de Notre-Dame de Paris, le bosquet de l'Arc de Triomphe à Versailles, et également le piédestal de la statue Louis XIV commandé par le maréchal de la Feuillade en 1685. Il est évident que l'appartement des bains constitue le triomphe du marbre dans la décoration. Le choix des marbres connaît la gradation que Félibien, Morlaix et autres avaient soulignée. Monicard achève la description de ce qu'il appelle un beau séjour de plaisance et d'objets rares par une courte description du pavé. Ce pavé donc est de marbre choisi et des plus précieux et qui valent bien au moins ceux qu'on tirait de la Grèce et de la Campanie. La France en est si bien fournie qu'à présent on se passe d'eux. L'escalier des ambassadeurs est la deuxième entreprise qui accorde une place particulière au marbre. Construit en 1672, achevé en 1679, détruit en 1752. Lefèvre en a livré en 1725 une description très précise, agrémentée par des gravures qui permettent aujourd'hui d'avoir un aperçu visuel de ce que devait être ce grand degré, longtemps considéré comme l'un des plus beaux chantiers jamais exécutés sous Louis XIV. Je ne détaille ni le programme iconographique, ni les précédents architecturaux et décoratifs qui ont pu être identifiés. Il est évident que le décor conçu par Lebrun fut conçu comme un tout, où la peinture répondait aux autres arts, et particulièrement au décor marbrier, dont la magnificence devait servir d'écrin à un programme iconographique, politique et artistique ambitieux. Le souci théâtral, la mise en scène, le jeu d'imbrication des différents arts trahissent la main de Lebrun qui parvient à donner l'illusion d'une immense architecture dans un espace réduit. Ce qui étonne et ce dont témoignent la maquette réalisée en 1958 par monsieur Arquinet, là je vous montre du côté de l'arrivée et l'autre, c'est l'éclat coloré. Marbre, bronze, peinture, tout concourt à créer un effet visuel où la couleur occupe la première place. Plus l'on progresse, plus la richesse se déploie. Le décor de marbre est enrichi de bronze, de stuc, de peinture, les couleurs gagnent en chatoyance, et cette gradation dans le décor, la couleur et la richesse, montrent que l'escalier avait été conçu comme une composition picturale dont le centre était la fontaine, donc que vous voyez ici, la niche centrale qui reçut d'abord une fontaine et ensuite le buste du roi. C'est en tout cas l'hypothèse de Robert Berger qui a été reprise par Gérard Sabatier. Par les archives, l'on connaît avec bien des imprécisions cependant le nom des marbriers et les sommes qui leur furent versées, qui montent à plus de 150 000 livres, ce qui dépasse la première estimation faite de 75 000. On retrouve les marbriers qui œuvraient déjà à l'appartement des Bains, Hubert Misson, Jérôme Derbé, Jean Legru, qui reçoivent 105 000 livres, comprenant la coquille de la fontaine, les ouvrages du vestibule et les pavés des paliers. D'autres marbriers apparaissent, que nous retrouverons plus tard à l'escalier de la Reine ou à la Galerie des Glaces. Matteau, Pasquier, Desaigre, Duquesnoy, Ménard et Lisky, mais sans plus de précision, hormis pour Philippe Desaigre, qui réalise la marbrerie des niches. Pour les ouvrages en bronze doré, nous retrouvons les mêmes artisans qu'à l'appartement des Bains, notamment Caffieri, Cucci et l'Espagnandel. Et quant à la nature des marbres, elle n'est pas précisée par les comptes et ne peut être reconstituée qu'à partir des descriptions et des recoupements de documents d'archives. De tous les auteurs qui décrivent l'escalier des ambassadeurs, Nicodème Tessin est sans doute le plus prolixe, précisant que dans cette architecture tout de marbre et de bronze, je cite, « les degrés sont d'un marbre veiné de brun, rouge, jaune et blanc, les pilastres en haut sont de même, comme aussi les piédestaux et les ornements des balustres qui sont percés à jour et tous dorés. » S'inspirant de ceux qui furent utilisés à la Galerie des Glaces ou à l'escalier de la Reine, M. Arquinet a restitué un décor de marbre vert campan, campan mélangé, grand incarnat et blanc veiné qui semble possible, qui s'avère juste pour certaines parties, notamment pour la coquille de la fontaine qui est encore conservée aujourd'hui au château de Dampierre et qui était en grand incarnat. Quelle est cependant cette tonalité jaune dont parle Nicodème Tessin, puisque ni le Campan, ni le Rance, ni le Languedoc ne présentent cette couleur de façon dominante dans leur veinage. Les gravures n'en déplaisent à Lefebvre, qui espérait, je cite, « que les différents tons de clair-obscur peuvent donner dans les estampes une idée de la couleur de chacun de ces différents marbres » restent très imprécises. Je vous montre ici donc les gravures. Alors là, c'est pour la fontaine. Voilà ici les gravures. En revanche, donc auparavant, ce n'était pas les gravures de Lefebvre, c'était les relevés. Vous avez ici le dessin des dallages qui permet d'observer une fois de plus cette gradation dans la richesse, comme nous l'avions vu pour l'escalier, pour l'appartement des Bains. Le dessin du pavement, qui est simple pour le vestibule, était plus complexe pour les galeries latérales et les paliers, avec de grands carrés alternant cercles étoilés et losanges à cercles concentriques, suivant un dessin que l'on retrouve d'ailleurs au salon de Vénus, par exemple. Donc là, c'est l'escalier des ambassadeurs, et ici, vous avez le projet pour le salon de Vénus. L'ensemble, comme l'avait déjà remarqué Félibien pour l'appartement des Bains, c'est après, pardon, revenons en arrière. L'ensemble, comme l'avait déjà remarqué Félibien pour l'appartement des Bains, donnait l'illusion d'une construction tout de marbre et de bronze. Et c'est là une remarque qui a été faite par de très nombreux auteurs au XVIIe. Comme beaucoup de réalisations exceptionnelles, l'escalier des ambassadeurs n'a pas manqué d'alimenter quelques fantasmes extravagants. En 1958, un article laissait supposer que le véritable escalier des ambassadeurs se trouvait dans le palais rose construit par le marquis de Castellane, avenue Foch. S'il s'agissait d'une copie, bien entendu, tout comme celui que Louis II de Bavière fit construire, ou encore celui du palais bruxellois d'Egmont. Après l'appartement des bains, les grands appartements, les escaliers des ambassadeurs et de la reine, la galerie des glaces, etc., le salon d'Hercule apparaît comme la dernière grande réalisation marbrière à Versailles, l'une des dernières pensées de Louis XIV, écrit Alfred Marie. Robert de Cotte, qui en donna les dessins, rythma les fenêtres de double pilastre à chapiteau corinthien, dont la base en bronze doré repose sur de hauts socles moulurés. Là, je vous montre plusieurs vues du salon. L'ensemble était complété par une cheminée monumentale que l'on reconnaît pour être l'une des plus belles du château, et bien évidemment par quelques très beaux tableaux célèbres comme le Rebecca les airs de Véronèse, le non moins célèbre repas chez Simon du même maître vénitien et l'apothéose d'Hercule de François Lemoine. La partie marbrière de ce salon, parfois appelé salon de marbre, a toujours été citée par les différents auteurs. Pigagnol de la Force a même cité la provenance des marbres, Rance, Vercampan, Blanvesné, marbre d'Antin. Nous retrouvons une fois de plus dans ce salon l'alliance préférentielle du bronze doré, de la peinture et du marbre. Il existe cependant un premier projet considéré comme étant de la main de Pierre Lepôtre qui diffère légèrement de ce qui sera finalement réalisé. Vous voyez notamment pour le choix des marbres. Donc on retrouve les doubles pilastres, les chapiteaux et les bases. Mais les socles sont sans mouluration et l'on a prévu des trophées à décor musical sur les rampants et également une traverse de bois sculpté et doré à la naissance de la partie cintrée. Outre ces changements structurels et architecturaux, je pense que M. Didier les détaillerait bien mieux que moi, le marbre a également connu un changement. Vous voyez qu'ici, ce qui était projeté, c'était du vert campant pour les pilastres. Finalement, ce sera du rance. Il y a nombreuses explications à ça que je n'ai pas le temps de détailler, malheureusement. Et s'il est évident que ce choix est contraint par la matière dont on dispose alors, par la difficulté aussi d'extraire des grands pilastres en verre campant et non pas en campant mélangé, on peut supposer que ce choix est aussi guidé par un souci esthétique d'harmonie avec l'ensemble des grands appartements. L'équilibre finalement trouvé dans le choix des couleurs, dans celui des veines aussi, est particulièrement réussi. Les comptes enregistrent pour le salon d'Hercule une dépense de 70 500 livres et le marbre de Rance est livré par Michel d'Herbé, fils de Jérôme, que nous avons vu donc à l'appartement des bains et l'escalier des ambassadeurs. Michel d'Herbé livre 20 pilastres, en réalité, il y a aujourd'hui 20 pilastres, ce qui ne concorde ni avec les comptes qui en mentionnent 32, ni avec le marché qui en stipule 28, du plus beau que faire se pourra, bien entendu, suivant les dessins de Monsieur de Cotte. L'autre marbrier du salon, je n'ai pas le temps de détailler sur Michel d'Herbé, mais l'autre marbrier du salon, c'est Claude-Félix Tarlet, donc nous avons déjà beaucoup entendu parler, et c'est lui qui exécuta notamment la cheminée et l'ensemble des lambris. Je regrette de ne pouvoir vous détailler sa vie passionnante et remarquablement documentée. Il est né en 1666, je vais très vite, il a épousé la fille du marbrier Pierre Liski, et il est la figure centrale de la marbrerie royale dans ce premier tiers du XVIIIe siècle. Il a été dans tous les grands chantiers, et il a aussi réalisé des travaux à l'étranger, notamment pour les lecteurs de Cologne, où la couronne d'Espagne, nous avons vu, brillante communication sur l'Espagne, des dessins de Cotte dont les cheminées ont été réalisées par Tarlet. Il a également été contrôleur général du royaume, officiellement en 1725, en réalité c'est une charge qu'il exerce bien avant, puisque en 1712 il est chargé par le duc d'Antin, et cela a également déjà été dit, d'aller inspecter les carrières des Pyrénées et du Languedoc. La correspondance entre les deux hommes témoigne bien du rôle majeur que Tarlet a joué, tant dans la découverte de nouvelles carrières que dans l'ouverture de nouvelles veines dans des carrières déjà existantes, comme celle de Campan et de Cône. Pour les carrières qu'il a fait ouvrir, il s'agit bien entendu de celles de Bérède ou d'Antin, dont M. Julien a parlé, et le marbre de Saint-Rancolin du salon d'Hercule est un marbre d'Antin. Tarlé répond parfaitement aux demandes du duc d'Antin, qui lui écrivait en 1712, à la veille donc de son voyage, je cite, « Vous voyez mieux qu'un autre le profit et utilité que nous pourrons tirer de votre voyage par la suite. Ce que vous allez faire aux Pyrénées est bien plus considérable et d'une bien plus grande discussion. Employez, je vous prie, tout le temps nécessaire, afin que cela soit pour toujours. Je connais assez ce que vous valez pour ne point douter du succès. » La cheminée du salon d'Hercule est de, là c'est encore un détail donc du projet de l'apôtre, excusez-moi, là vous avez donc le très très beau marbre de Saint-Roch-Collin, des Lambribas. La cheminée donc est de l'avis des historiens la plus belle du château par son dessin, par ses bronzes et par son marbre, par l'harmonie colorée également entre le bronze et les tons ponceaux, agate et jaune de ce très beau marbre d'Antin. Si les bronzes ciselés par le sculpteur toulonnais Antoine Vassé sont à juste titre connus pour leur beauté, le chambranle monolithe est un tour de force marbrier, surtout pour du marbre de Saint-Roch-Collin dont nous avons déjà entendu qu'il est filardeux, cassant, difficile à l'ouvrage. Là, je vous montre donc plusieurs vues. Vous avez ici la moulure superbe, la tête d'Hercule. Voilà ici un détail rapproché du marbre. Il est donc évident que le marbrier qui a exécuté cette cheminée témoigne d'une grande habileté et il faut lui rendre hommage. La perfection de la ligne, la sûreté de la découpe participent à la beauté de l'ensemble. J'achève ici ce très rapide panorama pour les œuvres du château. Il aurait fallu étudier bien évidemment tous les salons des grands appartements, la grande galerie, cet art de faire pénétrer le marbre par la couleur, la chapelle, etc. Et ce n'est donc qu'un petit aperçu des réalisations marbrières dans le château. Si le marbre régnait en maître dans le château, il a aussi été largement employé dans le parc, et notamment dans les bosquets. En 1684, Mansart construisait à l'emplacement du bosquet des Sources une colonnade considérée par un chef-d'œuvre, comme un chef-d'œuvre d'élégance par certains, décrié par d'autres, comme le nôtre, qui dit cette phrase assassine, « D'un maçon vous avez fait un jardinier, il vous a donné un plat de son métier », ou encore Nicodème Tessin, qui disait « Les connaisseurs soutiennent tous qu'il y faut plus admirer la dépense que le génie ». Au-delà des querelles et des susceptibilités, la colonnade a tout de même été célébrée comme un très beau bosquet, et Pierre Lablaude écrit qu'il s'agit d'un magnifique temple de plein air ouvert sur le ciel et dont l'arcature circulaire de carrare blanc se détache avec élégance sur un fond de verdure. La colonnade n'est cependant pas une architecture toute de carrare. Mansart a introduit un jeu de polychromie avec 32 colonnes ioniques alternées, 8 de brèche violette, 12 de languedoc et 12 de bleu turquin auxquelles répondent des pilastres de languedoc. Je passe sur l'architecture dont on vous reparlera peut-être. Il faut quand même préciser que la composition a été complétée par des bassins marbre blanc disposés dans un canal circulaire et puis en 1699 par la renommée de Louis XIV, œuvre de Domenico Guidi, pardon, qu'on place à l'entrée, qu'on voulut déménager pour la mettre au centre de l'aire du milieu, qui se brisa et fut finalement remplacée par l'enlèvement de Proserpine, que le sculpteur Girardon avait réalisé en 1675 pour le parterre d'eau, comme nous l'a rappelé Madame Bresque. Malgré le soin qui a été apporté au choix des marbres, c'est donc toujours la blancheur, la sculpture et l'architecture qui furent vantées pour la colonnade. Il y a un changement significatif dans l'architecture, c'est la disposition même du bosquet, puisqu'à l'origine, il n'y avait qu'une entrée à l'ouest, marquée par deux colonnes de brèche violette, auxquelles répondaient trois entrées fictives. Leur ouverture secondaire, je vous montre le célèbre tableau de Cotel, évidemment, on voit très bien la polychromie, quelques vues de la colonnade. L'ouverture secondaire donc de ces entrées fictives a modifié sensiblement la continuité de la colonnade. Les marbres ont été livrés par des marbriers François Deschamps et Jacques Ergot, qui touchent environ 77 000 livres pour les colonnes, les piliers, les bassins, les piédestaux, les socles, également la pose des bas-reliefs. Je ne détaille pas la vie de Deschamps et Ergot. Pour les Deschamps, c'est tout de même un cas très intéressant. Ce sont 8 frères originaires de Barbançon, et donc dont nous avons vu qu'il commerçait avec les marbriers d'Herbé et Misson pour la fourniture de tout le marbre du Hainaut. Jacques Ergot, lui, a travaillé pour la couronne. Il a notamment réalisé, outre donc la colonnade, le pavement de la chapelle Saint-Jérôme aux Invalides. Quelques mots sur le choix des marbres employés. La brèche violette, le bleu turquin et le languedoc. Le mercure galant, signalé en 1686. Je cite, « Cette œuvre indique que le roi est le plus magnifique prince de la terre et démontre que le marbre est à présent plus commun en France qu'en Italie. » Robert Berger en a conclu que la colonnade était « a display case for French marbles », présentoir de marbre, certes, de marbre français, non, puisque la brèche violette et le bleu turquin, il faudrait demander confirmation à des scientifiques, mais pour ce que je peux en savoir pour les avoir consultés, la brèche violette et le bleu turquin sont italiens. Quels sont les modèles qui ont pu inspirer Mansart ? Tout d'abord les bosquets de verdure, bien entendu, comme le théâtre d'eau ou la salle de verdure du château de Liancourt. Ensuite, et c'est une hypothèse d'Anthony Blount, le songe de Polyphile de Colonna, et notamment deux architectures imaginaires du recueil, l'arcade de la reine et le Terrylide, et le péristyle de l'île de Cythère. Au-delà des interprétations symboliques et même ésotériques qui font du bosquet la représentation du monde, et sur lesquels je ne m'aventurerai pas, je conclurai par cette phrase d'Alfred Marie, « Il est difficile de ne pas être sensible à la perfection de cette grande colonnade circulaire, à la sculpture délicate et non mièvre, à la polychromie des marbres, au jet d'eau, à la magnificence de la verdure des grandes masses d'arbres. » À Versailles, le marbre est roi. Par les quelques exemples cités, j'espère avoir démontré que la partie marbrière est primordiale dans les décors royaux. Elle est éclatante, mais elle n'est qu'un support. Le marbre n'est jamais une œuvre d'art, hormis pour les sculptures. Il est écrin, faire valoir de la peinture, du bronze, du verre. Mais sans lui, Versailles n'aurait pas l'éclat coloré qui fait aujourd'hui sa splendeur. Je vous remercie.